à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou encore en direct sur le CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 23 mars 2016 de Mélomanes. Ce soir, gros programme, on est à des mille et des mille de notre varié de la semaine passée. Varié qui, on doit l'avouer, était à tangente, quand même assez kitsch, merci. Faut pas tout prendre trop sérieux non plus, mais on a tout de même eu droit à une flopée de classiques en leur genre. Mais comme on disait, ce soir, on est à des mille de ça. Tel que promis, je vous invite à découvrir le Brésil avec moi ce soir. Ça fait longtemps que je vous en parle. Eh bien, ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va explorer, bien entendu, le Brésil comme tel, avec les styles musicaux qu'on associe au pays, comme la samba, la batucada, la bossa nova, par exemple. Mais on va pas en rester là, on va y aller à la mélomane et on va aussi constater toute l'influence que la musique du Brésil a eue sur la musique pop à travers le monde et au fil des années. Et vous allez sûrement être surpris par toute la portée que cette musique a eue. Un vrai travail de moine, mesdames et messieurs, seulement pour vous, mais c'est juste du plaisir parce que c'est une musique que j'aime depuis toujours. Pas mal le mix, que dis-je, la distillation dont je suis le plus fier depuis le spécial Surf and Turf. Donc, si vous aimez la musique du Brésil, vous êtes en business, et si vous pensez pas aimer, ben prenez une chance, vous allez être agréablement surpris, d'après moi. Donc, pas besoin de vous dire que tout ça va nous réchauffer la couenne et nous donner le goût de l'été qu'on attend impatiemment. Ce soir, c'est feutré, suave et par moments très, très rythmé. Alors, je vous invite à voyager avec moi. Et notre première escale, on l'a fait à l'instant, en plein carnaval de Rio, avec un incontournable, João Gilberto, 99.1 CFNJ. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor.

99.1 et 88.9 CFNJ. Samba mais bela da festa, a dona da feira. Uma fiel representante brasileira. Crioula. Filha de nobres africanos que pelo descuido geográfico nasceu no Brasil. Num dia de carnaval. E como já dizia o poeta Gil, negra é a soma de todas as cores. Você, crioula, é colorida por natureza. Você, crioula, poderio da beleza. Crioula, crioula, linda dama negra, a rainha do samba, a cara da festa, a dona da feira. Uma fiel representante brasileira. Crioula, crioula, crioula. Ce qu'on a juré d'aimer. la vie. Ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, le temps d'une chanson. Soleil sans risque de pluie, un souffle chaud qui apaise son ennui. Lorsqu'on ranime son passé, pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ce moment de passion, quand on veut perdre la raison, Gilberto, que l'on prend dans la paume de sa main, comme on caresse son chien qui nous fixe tout tendrement l'espoir. Toujours à Méloman, spécial Brésil, ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et je pense que le dernier bloc nous a donné de bonnes indications quant à la tournure des événements ce soir, quoique vous n'avez pas tout entendu encore. Comme on dit, on rend hommage à la musique du pays, le Brésil, mais on va aussi explorer l'influence que cette musique a eue sur la musique pop en général et ce de par le monde, un peu comme on l'avait fait pour le spécial Jamaïque. Et c'est pourquoi on vient même d'entendre une Québécoise, Diane Tell, qui rendait hommage à João Gilberto en 1979. Donc, il venait boucler la boucle de notre bloc qui avait justement commencé avec M. Gilberto 20 ans plus tôt, 1959, avec A Felicidade, composition de Jobim, dont on va reparler fatalement au fil de la soirée, tiré du fameux film Black Orpheus, le film, pardon, Black Orpheus d'un Français, Marcel Camus, qui a beaucoup fait connaître la culture du Brésil au reste du monde à travers ce film-là. Aussi une pièce où on peut entendre alterner les rythmes de samba, batucada et bossa nova, qu'on va beaucoup entendre ce soir. On entendait les deux rythmes au sein de la même chanson et c'était suivi du Big Bazar, Michel Fugain avec « Fait comme l'oiseau » en 72, qui, vous l'apprendrez peut-être ce soir, est une pièce d'origine brésilienne traduite en français et composé originalement par le duo Antonio Carlos et Jocafi, un an plus tôt seulement. Antonio Carlos, à ne pas confondre avec Jobim, c'est un autre Antonio Carlos. Donc vraiment, un an plus tôt seulement, une chanson brésilienne que Michel Fugain va reprendre pour en faire un méga succès. On a aussi entendu un classique de Jorge Ben Machquenada dans sa version la plus connue par Sergio Mendes et le Brasil 66, qui était suivi d'un Américain, nul autre que Quincy Jones, grand compositeur, grand arrangeur, et oui, beaucoup plus tard, producteur de Michael Jackson, avec Soul Bossa Nova de 1962, une pièce très influencée par le Brésil qui a été repopularisée des années plus tard dans les films d'Austin Powers. C'est peut-être là que vous l'aviez déjà entendu. C'était suivi de l'auteur de Machquenada, Jorge Ben, en personne avec Criolla en 1969. Donc un pays, mais plusieurs influences, plusieurs artistes et plusieurs palettes de couleurs. Et là, on plonge directement dans la folie du carnaval avec un percussionniste de renom. Je vous dis, ça va être assez intense. Disons qu'on fait notre cardio de la soirée, là. Baissez pas les bras, c'est très intense. Ayrto Moreira au 99.1 CFNJ.

papier, né abandonné par ma destinée. Je mourrai damné, mais avant de creuser ma tombe glacée, je voudrais déplacer mon soleil brisé, cassé. C'est pas pour moi, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme, qui chôme au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi, Ipanema, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, pauvre homme qui chôme au royaume du calcium. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Embora para nunca mais voltar. Já correu. Não posso. porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Estamos sendo gravados para um disco que hacemos desde mesmo show. E agora você, parece que vocês vão aclarar as luzes. Aclarar, você disse sim. O 99.1 e 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Et on vient d'entendre la magnifique Samba en Preludio de Baden Powell, composition Baden Powell, version Vinicius de Moraes, Maria Croza et Toquinho en 1970. Pièce qui, personnellement, me fait totalement vibrer quand je suis en mode musique brésilienne. Alors, j'espère que vous l'êtes aussi parce que si c'est le cas, on va passer une très belle soirée ensemble. Donc, des gros noms du Brésil, Vinicius de Moraes, qui est le parolier d'à peu près tous les classiques de Jobim et autres, et Baden Powell, à pas confondre avec le fondateur des Jeannettes, qui a un nom semblable. Grand compositeur, grand guitariste qu'on va réentendre tantôt. Et parlant de gros noms, juste avant, on a entendu un classique d'Antonio Carlos Jobim, Eu e meu amor, Lamento no Moro, excusez mon portugais tout au long de la soirée, évidemment, mais par le fils de Jobim et son petit-fils aussi au sein du Quartetto Jobim Morellenbaum en 1999, avec un rythme très syncopé en début de pièce. Et sinon, plus du côté de l'influence de la musique brésilienne dans le pop, on a entendu une samba plus funky avec Robert Charlebois et son classique « Je rêve à Rio » de 74, dont on avait parlé la semaine passée, précédé d'un autre hommage à Rio de Janeiro, l'incontournable « Incendie à Rio » de Sacha Distel en 1966, une pièce qu'on prend souvent à la légère par ses propos, mais qui est quand même réellement bâti sur des vrais rythmes de samba batucada très complexes. Donc encore une fois, chapeau M. Distel, Sacha Distel qui, faut-il le rappeler, fut un des plus importants guitaristes de jazz français de sa génération, qui a une feuille de route qui ferait rougir la plupart de ses détracteurs. Donc bravo M. Distel et un grand batteur et percussionniste brésilien en début de bloc, Arto Moreira, qui va faire partie du légendaire Bitches Brew de Miles Davis, juste ça, et de Return to Forever de Chick Corea. Des petits projets comme ça, pas trop importants dans les années 70. Évidemment, je t'ironique à fond la caisse parce que c'est vraiment les plus gros noms des années 70, du jazz rock, du jazz fusion, etc. Un des plus respectés de sa génération, tout simplement, qu'on a entendu avec Celebration Suite de 77. Et nous, on y retourne. On va explorer maintenant l'influence que tout ça a eu sur le pop des années 60. Heidi Gourmet au 99.1 CFNJ. I was at a dance when it caught my eye. Standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro. And soon I knew I'd never let him go. Blame it on the bossa nova. Keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink. I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova. Just to love you now that I have found you. Sud de la Nausière pour les prochaines heures, ennuagement, un minimum de moins 9. Jeudi, neige et poudrerie par endroits tard le matin, accumulation de 10 cm. Neige et poudrerie qui se changera en grésille et en pluie verglaçante au cours de la soirée de la nuit de jeudi à vendredi. Température à la hausse pour atteindre zéro. Et pluie intermittente vendredi, maximum de 9. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs dégagés cette nuit, minimum de moins 13. Jeudi, neige qui débute en mi-journée, 5 cm d'accumulation, maximum de moins 8. Neige parfois forte et poudrerie par endroits qui se change en grésille au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Accumulation de neige et de grésille de 15 cm. Température à la hausse pour atteindre moins 3. Et vendredi, neige intermittente ou pluie, maximum de 4. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid's not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who can stand when she's in demand? Has schemes and plans on the floor and around. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby best of three. She looked at me and showed a photo of a baby crying. His eyes were like mine. Danced on the floor and around. Yes, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me. Then the smell of sweet perfume, that happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean's not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid's not my son. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid's not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Look at all the lonely people. Look at all. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, grand spécial Brésil Méloman dans tout la Naudière. Et vous n'avez pas rêvé, il s'agissait bien de Billie Jean, de Michael Jackson, doublé d'Eleanor Rigby par un nom très important de la scène du Brésil, qu'on va appeler le Tropicália, soit Caetano Veloso, qu'on a entendu un peu plus tard dans sa carrière en 1986. Et parlant de Tropicália, eh bien, c'est en plein titre de la pièce de Beck, Beck Hansen, qu'on a entendu juste avant, en 1998, chanson tirée de son excellent Mutations. Beck qui s'inspire pas mal de tout ce qu'il peut trouver, finalement. Et sinon, on était dans les années 60, bar en bar, où il va y avoir une espèce de folie de la bossa nova qui va se faire sentir jusque dans le pop. Tout ça grâce à deux musiciens américains, Stan Getz et Charlie Bird, qui vont nous ramener la musique du Brésil en Amérique du Nord. Et on va reparler d'eux tantôt. On a aussi entendu Dusty Springfield avec The Look of Love, 1967, un thème du film Casino Royale, une espèce de parodie des films de James Bond. Et c'est une composition de Burt Bacharach et Hal David, dont je vous parle souvent dernièrement, et à qui on va rendre un petit hommage à l'émission prochainement. Et on a aussi entendu le Dave Brubeck Quartet avec Bossa Nova USA de 63, parce que oui, le jazz va être infesté littéralement de musique brésilienne dans ces années-là. Stan Getz et Charlie Bird étant tous deux des jazzmen. Mais on n'en mettra pas trop ce soir parce qu'on a fait quand même un spécial jazz dernièrement, mais aussi parce que ça serait vraiment trop facile. On creuse un petit peu plus ce soir. Et on a vu l'influence sur le pop aussi avec nul autre qu'Elvis Presley, toujours en 63 avec Bossa Nova Baby, qui était précédé d'Eddie Gourmet avec son Blame It On The Bossa Nova, encore et toujours de 63, qui va être reprise ici au Québec par Margot Lefebvre. Donc, c'est dire toute l'influence que cette musique a eue sur plusieurs cultures. On poursuit en musique, nous, justement, avec un grand Luiz Bonfá, grand compositeur, grand guitariste brésilien, Maria Toledo, une chanteuse aveugle, et justement Stan Getz au 99.1 CFNJ. Thank you. Vila Mônica de quem mande ficar. Mundo que inventar aqui, mesmo que inventar lá. E volta pro Mandingueira, Mônica de quem mande ficar. Mundo que inventar aqui, mesmo que inventar lá. E volta pro Mandingueira, Mônica de quem mande ficar. Vento que inventa aqui, eu mesmo que inventa lá. E volta pro Mandingueira, Mônica de quem mande ficar. Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá. Fui eu, quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá. Partout dans la Naudière.

Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que, grâce à vous, j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Pechinguim, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biggi, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tous ceux-là qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrais prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel, samba. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Donc une pièce parfaite pour notre spécial Brésil de ce soir, Pierre Barou, qui, si vous avez porté attention aux paroles moindrement, vient de vous faire le Brésil Samba Bossa 101, qui vient de nous parler d'à peu près tous les gens dont on parle depuis tantôt. Donc, les dernières pièces qui nous montrent cette fois que l'influence du Brésil s'est fait sentir jusqu'en France. Les deux dernières qui nous proviennent du fameux film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch, « Musique merveilleuse » de Francis Lai. Donc, Pierre Barou avec Samba Sarava en 66, qui était précédé du thème principal du film, mais version Charlie Bird en 68, dont on a parlé tantôt, le principal responsable avec Stan Getz, comme on disait, d'avoir fait connaître la musique brésilienne à l'ensemble de l'Amérique du Nord, tout comme Pierre Barou va être celui qui va la faire connaître à la France et à l'Europe par le fait même. Donc, on ne peut pas passer à côté de ces gens-là ce soir, mais voyez-vous, il y en a un dont on parle presque jamais quand on parle de la dispersion de ce qu'on va appeler la musique du monde. Et c'est ce mal-aimé de Gainsbourg qui, pourtant, dès 1964, soit 2 ans avant Un homme et une femme, nous sortait l'album Percussion, pardon, qui nous introduisait au rythme brésilien, mais aussi au latin en général et au rythme africain. On en avait parlé lors de notre spécial du mois des Noirs, de l'histoire des Noirs, pardon. Donc tout ça sur un thème, sur un même album de Gainsbourg, Percussion de 1964. On a entendu ici les ambassadeurs qui étaient précédés d'un air que vous connaissiez tous, soit Tico Tico no Fuba, du compositeur Zequina de Abreu, excusez mon portugais encore une fois, une pièce qu'on a évidemment mieux connue par Alice Roby au Québec, mais c'est du brésilien bord en bord originalement. Et juste avant, des légendes, Baden Powell avec Kakwara Kwakwa de 1970 et Stan Getz, dont on a parlé, saxophoniste maison de Jobim, au son inimitable et accompagné en plus d'un de mes préférés, Luis Bonfá, Black Orpheus, celui qui a composé Mania de Carnaval. Donc, avec une de ses compositions, Sambalero, justement, en 63, de Luis Bonfá. Et nous, on y retourne avec un groupe de Montréal, quand même assez rare, avec une magnifique composition de Baden Powell. Oh. CFNJ. Certains hauts, 99.1 CFNJ. Que homem de bem não trai o amor que lhe quer. Sou bem, quem diz muito que vai não vai, assim como não vai, não vem. Quem diz dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não tá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai, se um dia ele cai, cai bem. Quem homem de bem não tá é o amor que lhe quer tão bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem diz dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para capoeira. house feels bad. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. So people say lies, lies, lies. But I say why? Why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? And I'm remembering a road sign. I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true. These days are ours. These tears are free. The cross is in the ballpark. And the cross is in the ballpark. We had a lot of fun. Had a lot of money. We had a little son we thought we'd call him Sonny. Sunny gets sunnier day by day, by day, by day. Well, I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the night recede in my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown. Well, I'm accustomed to a smoother ride. Or maybe I'm a dog who's lost its bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie. But I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Jamais j'écoute, tout parle, je ne comprends pas bien.

Et vous êtes toujours au grand spécial Brésil de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et ce, partout dans la Nodière, ou même au-delà si vous écoutez depuis le CFNJ.net. André Gagnon, qu'on vient d'entendre avec Ta Samba, tiré de son plus grand succès, l'album Neige de 1975. Et toujours dans l'influence de la musique brésilienne sur la musique pop en général, on a entendu la version classique de Moustaki, Georges de son prénom, du fameux Aguas de Março de Jobim, Les Eaux de Mars de 1973. La version d'Antonio Carlos Jobim qui datait de seulement un an auparavant, donc quand même. Et là, je vous parle souvent de Jobim, et sûrement qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le connaissent déjà, mais on va spécifier pour ceux qui ne le connaissent pas. Écoutez, Jobim, c'est pas mal le roi incontesté de la bossa nova, l'inventeur même, on pourrait dire, de la bossa, un compositeur hyper prolifique qu'on va aborder par défaut sans même essayer ce soir, parce qu'il est tout simplement omniprésent. C'est le Gershwin du Brésil, à cheval entre la musique classique brésilienne et jazz. Le compositeur d'une des pièces les plus connues au monde, Garota de Ipanema, Girl from Ipanema, la fille de l'Ipanema. Mais tout ça, c'est facilement disponible sur n'importe quelle compilation de Bossa Nova. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer autre chose ce soir, parce qu'autrement, on respecte vraiment beaucoup l'artiste et on va y revenir de toute façon. C'est fatal. Bref, sinon, toujours dans l'influence brésilienne, Sting, en français en plus, qu'on a entendu en 1996 avec sa Belle Dame sans regret, tirée de l'album Mercury Falling. Un album où Sting s'était entouré, comme d'habitude, de musiciens exceptionnels comme le batteur Vinnie Colaiuta, qui avait joué entre autres pour Frank Zappa dans Une autre vie. On a aussi entendu juste avant Paul Simon avec The Obvious Child de 1990, avec l'ensemble de Batucada Olodum de Salvador dans l'état de Bahia au Brésil, un célèbre ensemble de Batucada, et tiré de l'excellent album Rhythm of the Saints, un album où Paul Simon va s'attarder au rythme latin, après avoir fait Graceland en Afrique du Sud, dont on avait parlé lors de notre spécial de l'histoire des Noirs, et le tout amorcé par une magnifique pièce de Baden-Powell, Berimbau, version d'un groupe assez rare de Montréal, Sertao, en 2001. Et on poursuit, pourquoi pas, un peu de Dalida au 99.1 CFNJ. Rio, Rio. Rio,

joy beyond compare. D'entendre le groupe Sepultura au grand spécial Brésil de Méloman au 99.1 CFNJ. Et oui, Sepultura à côté de qui? On ne peut pas passer, à mon humble avis, un des plus grands ambassadeurs musicaux du Brésil de nos jours qui roule sa bosse depuis plus de 30 ans de par le monde. Mais on n'en parle pas parce que c'est un groupe de trash metal, un peu comme Voivod ici au Québec, qui s'illustre dans le monde entier depuis plus de 30 ans aussi. Avant même Céline Dion, soit dit en passant, et qui sont cités comme influence par des vedettes internationales, mais dont on n'entendra malheureusement pas parler à la disque, par exemple. Allez savoir. Bref, j'ai quand même ménagé vos oreilles un petit peu, mais de toute façon, il fallait qu'on se fonde dans le paysage quand même. On y est avec une pièce acoustique de Sepultura, Jasco, ou Yasco, tirée de leur fameux album Roots de 1996, où ils vont avoir la bonne idée d'incorporer des rythmes aborigènes brésiliens à leur métal. Et c'était précédé d'une façon totalement improbable d'Engelbert Humperdinck et de son Quando, Quando, Quando, un genre de samba d'origine italienne. Mais évidemment, d'inspiration brésilienne pour la musique, on était en 1968. On a aussi entendu une pièce de collection pour les enthousiastes de la musique du Brésil, obscure des années 60-70. Gal Costa, issu du mouvement revendicateur Tropicalia dont on a parlé tantôt, mené par Caetano Veloso dont on a parlé aussi, avec Baby de son magnifique album éponyme de 1969, Gal Costa. Et on s'est encore mis le nez dans le gros pop bonbon, mais toujours inspiré du même pays, Barry Manilow avec Copacabana de 1978. Précédé d'une samba disco de Dalida, Rio do Brasil, en 1980. Et là, on va y aller pour un gros bloc bien charnu. Et on va commencer ça avec un croisement de deux spéciaux qu'on a fait à Méloman. un croisement parfait entre les rythmes de deux pays, j'ai nommé le Brésil et aussi la Jamaïque. Samba Reggae de Jimmy Cliff au 99.1 CFNJ. Jump, jump. povo preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço não janto e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz. Mas onde se diz o que diz, onde se diz. CFNG. Thank you. Thank you. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et on vient d'entendre Dizzy Gillespie, un des grands trompettistes à avoir foulé le sol de la planète carrément, avec, encore une fois, une composition du seul et unique Antonio Carlos Jobim, Chega de Saudade, No More Blues en anglais, version 1962 par Gillespie, qui est en fait le premier à incorporer les rythmes latins au jazz. On pense entre autres au rythme afro-cubain de Manteca de 1947 qu'on avait entendu lors de notre spécial jazz il y a quelques semaines. On a aussi entendu une légende brésilienne qui est décédée le 9 mars dernier, donc tout récent, à qui on rend un petit hommage en passant. Nana Vasconcelos, joueur émérite de berimbau, une espèce d'arc percussif mélodique et percussionniste carrément avec Batuque Nas Aguas de 2011, assez tard dans sa carrière. Une très belle pièce qui a la particularité de se servir de l'eau comme de percussion pour son rythme de base, donc assez unique en son genre. J'espère que vous avez apprécié. On a aussi entendu une autre figure importante du Brésil, Gilberto Gil, à ne pas confondre avec João Astrod et leur fille Bebel Gilberto, un nom assez commun là-bas, quoique là, c'est son prénom. Donc, Gilberto Gil, en 1975, avec son classique Roda, qui était précédé d'un must, Mania de Carnaval, thème du film Orfeo Negro, une pièce que les jazzmen appelaient parfois Black Orpheus ou Carnival, composition du grand Luis Bonfá, qui arrive juste après Jobim en importance. Et c'est une version de deux géants de la guitare qu'on a entendu ici, soit Aldi Meola et John McLaughlin en 1996. Un album sur lequel on pouvait aussi retrouver la merveille espagnole qu'est Paco de Lucía. Et le tout qui avait commencé avec un rythme hybride très intéressant, la samba reggae avec le Jamaïcain Jimmy Cliff en 1992. D'ailleurs, vous irez voir ça sur la page Facebook Mélomane et le groupe Mélomane auquel vous pouvez adhérer sans problème. Je vais vous mettre un lien bien le fun de samba reggae. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et vous pouvez évidemment en profiter, comme je vous dis, pour adhérer au groupe Mélomane par le fait même, pour avoir des exclusivités. Et on a encore plein de belles musiques. On y va avec un autre beau rythme de samba reggae. Pourquoi pas Tupi Nago au 99.1 CFNJ. São

Toujours au grand spécial Brésil Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ-FM qui tire déjà à sa fin malheureusement. On vient d'entendre Antonio Carlos Jobim dont on parle par personne interposée depuis tantôt. Mais là c'était lui en personne avec son orchestre en 1967 et son classique Wave. Très belle mélodie, plus complexe qu'en apparence, comme toujours pour Jobim. Et c'était précédé de quelqu'un à côté de qui on ne pouvait pas passer, tant qu'à faire un spécial Brésil. Aitor Villa-Lobos, sans doute le compositeur classique le plus important du Brésil au 20e siècle. On a entendu un de ses airs les plus célèbres, soit la 5e Bacanas Brasileiras, composée entre 1938 et 1945, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale, et interprétée ici par la grande cantatrice néo-zélandaise Kirite Kanawa en 1984. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et c'est complètement à l'opposé du spectre qu'on se trouvait juste avant avec Max Sedgley, un compositeur et DJ britannique avec son remix Samba de Happy in Rio en 2007, qui était précédé du seul et unique Henri Salvador avec Jardin d'hiver, tiré de l'excellent album Chambre avec vue de 2000. Donc, assez récent dans sa discographie. Et tout ça qui avait démarré avec une samba reggae de 1998, Raiz Negra de Tupinago, un nom qui fait référence à l'hybride des rythmes traditionnels Tupi, un peuple autochtone du Brésil, et des Nago qui sont natifs du Niger. Bref, beaucoup d'hybrides, mais une très belle musique. Et c'est là-dessus qu'on se quitte, chers auditeurs. J'espère que vous avez fait un beau voyage ce soir, que vous avez appris des choses par-ci, par-là. C'était le grand spécial Brésil Mélomane. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi dès 21h sur les ondes de CFNJ. En vous souhaitant une excellente semaine d'ici là, je vous laisse avec un classique du hard bop, toujours influencé par le Brésil, bien sûr, 1963, Joe Anderson au 99.1 CFNJ. Thank you. Thank you.